Chapitre 4. S'il est à Paris un quartier privilégié, c'est assurément celui qui se trouve compris entre la rue du Faubourg Saint-Honoré d'un côté et la Seine de l'autre, qui commence à la place de la Concorde et finit à l'avenue du Bois de Boulogne. Dans ce coin béni de la grande ville, les millionnaires s'épanouissent naturellement comme les rhododendrons à certaines altitudes. Aussi, que de somptueuses demeures avec leurs vastes jardins, leurs massifs fleuris, leurs pelouses toujours vertes, leurs grands arbres peuplés de merles familiers, de rossignols et de fauvettes. Mais entre tous ces riants hôtels que lorgne le passant, il n'en est pas de plus souhaitable que l'hôtel de Mussidan, la dernière œuvre de ce pauvre Sévère, mort à la peine, le jour où on reconnaissait enfin son mérite. Bâti au milieu de la rue de Matignon, entre une grande cour sablée et un jardin ombreux, l'hôtel de Mussidan a un aspect somptueux qui n'exclut pas l'élégance. Peu de sculptures autour des fenêtres et le long des corniches, pas de bariolage sur la façade. Un perron de marbre à double rampe protégé par une légère marquise conduit à la grande porte. Lorsque le matin, vers 7 heures, on passe devant la grille, le mouvement des domestiques dans la cour trahit la grande et riche maison. C'est le carrosse de cérémonie qu'on remise, ou le phaéton de monsieur le comte, ou le coupé plus simple que prend madame la comtesse lorsqu'elle court aux emplettes. Cette bête de race, dont on lustre si soigneusement la robe, c'est Mirette, la favorite que monte parfois avant le déjeuner mademoiselle Sabine. C'est à quelques pas de cette belle demeure, au coin de l'avenue de Matignon, que le placeur et son digne ami firent arrêter leur voiture. Ils descendirent, payèrent le cocher et remontèrent la rue. Monsieur Mascaro avait arboré son plus grand air. Avec ses vêtements noirs, sa cravate éblouissante de blancheur et ses lunettes, on le prit aisément pour quelque grave magistrat. Le docteur, lui, en route, s'était fait une raison, et s'il était très pâle encore, sa physionomie était redevenue souriante comme d'ordinaire. « Prenons nos dernières dispositions, » disait le placeur. « Tu es reçu chez M. et Mme de Mussidan, tu es presque de leurs amis. »« Oh, de leurs amis, non !» Un simple guérisseur, n'ayant pas eu l'avantage d'avoir eu un aïeul aux croisades, n'existera jamais pour un Mussidan. Enfin, la comtesse te connaît. Elle ne s'épouvantera pas dès que tu ouvriras la bouche. Elle ne criera pas à l'assassin. En te retranchant derrière un coquin quelconque, tu peux même, à ses yeux, sauver ta réputation. Moi, je me charge de parler au comte. Fit le docteur. Méfie-toi. Ce cher comte est affreusement violent. Il est homme, au premier mot malsonnant, à te jeter par la fenêtre. Monsieur Mascaro eut un geste de défi. « J'ai de quoi le mater, » dit-il. « N'importe, tiens-toi sur tes gardes. » Les deux amis passaient alors devant l'hôtel de Mussidan, et le docteur en expliqua brièvement la disposition intérieure. Puis ils poursuivirent leur route. « À moi le mari, » disait B. Mascaro, « à toi la femme. » Du comte, j'obtiens qu'il retire sa parole à Monsieur de Breuil-Favarlet. Mais je ne prononce pas le nom du marquis de Croisenois. Toi ? Au contraire, tu poses carrément la candidature Croisenois et tu glisses sur le Breuil-Faverlet. Sois sans inquiétude, mon thème est fait, je saurai me tenir. C'est là, cher docteur, qu'est le beau de notre affaire. Le mari s'inquiétera surtout à l'idée de sa femme. La femme sera très occupée de la pensée de son mari. Quand, après nous avoir vus, ils se trouveront ensemble, le premier qui abordera la question ne sera pas peu surpris de voir l'autre abonder dans son sens. Ce résultat parut assez comique au docteur pour lui arracher un sourire. Et comme nous allons agir sur chacun d'eux par des moyens différents, jamais ils ne se douteront de rien. Décidément, ami Baptistin, tu es encore plus ingénieux qu'on ne croit. Bien, bien, tu me feras des compliments après le succès. Il venait de s'engager dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, et de l'autre côté de la rue on apercevait un café. Monsieur Mascaro s'arrêta. « Tu vas, docteur, entrer dans ce café pendant que je ferai la course que tu sais. En repassant, je te préviendrai. Si c'est oui, je me présenterai le premier chez le comte. Toi, un quart d'heure après moi, tu demanderas la comtesse. » 4 heures sonnaient, lorsque ses honorables associés se séparèrent par une poignée de main. Le docteur Ortebise avait gagné le café indiqué. B. Mascaro continua à remonter le faubourg Saint-Honoré. Ayant dépassé la rue du Colisée, il s'arrêta devant la boutique d'un marchand de vin et entra. Le patron de cet établissement bien connu, il faudrait dire célèbre dans le quartier, n'a pas jugé convenable de mettre son nom au-dessus de sa boutique. On l'appelle le père Canon. Le vin qu'il sert aux passants à son comptoir d'étain ne vaut pas le diable. Il le confesse sans pudeur. Mais il tient en réserve, pour sa nombreuse clientèle, composée uniquement de domestiques du voisinage, un certain Macon qui a causé plus d'un congé immédiat. En voyant entrer chez lui un personnage d'apparence sévère, le père Canon daigna se déranger. En France, le pays du rire, une mine grave est le meilleur des passeports. « Monsieur désire quelque chose ?» demanda le marchand de vin. « Je voudrais, répondit le placeur, parler à Monsieur Florestan. De chez le comte de Mussidan, sans doute ? Précisément, il m'a donné rendez-vous ici. « Et il s'y trouve, monsieur, » dit le père Canon. « Seulement il est en bas, dans la salle de musique. Je cours le chercher. « Oh, inutile de vous déranger. Je descends. » Et sans attendre une réponse, B. Mascaro se dirigea vers l'escalier d'une cave dont l'entrée s'apercevait au fond de la boutique. « Il me semble maintenant, » murmura le père Canon, « que j'ai déjà vu cet homme de loi qui connaît les êtres de ma maison. » L'escalier n'était ni trop noir ni trop raide, et de plus il était orné d'une rampe. M. Mascaro descendit une vingtaine de marches et arriva à une porte matelassée qu'il tira. Aussitôt, de même que le gaz d'un ballon se précipite par une fissure, des sons étranges, formidables, effroyables, s'élancèrent par cette issue. Le placeur ne sembla ni effrayé ni surpris. Il descendit trois marches encore, poussa une autre porte, matelassée comme la première, et se trouva sur le seuil d'une vaste pièce voûtée, disposée comme celle d'un café, éclairée au gaz, avec des tables et des chaises tout autour. Plusieurs consommateurs y buvaient du fameux vin de Mâcon. Au milieu de la salle, deux hommes en bras de chemise soufflaient, jusqu'à en être cramoisis, dans des trompes à la dent pierre, entourées du galon vert traditionnel. Près d'eux, un très vieux bonhomme, chaussé de grandes guêtres de cuir, montant au-dessus du genou, ayant une ceinture de cuir fauve à plaques armoriées sur un gilet rouge, sifflait l'air que s'efforçaient de reproduire les joueurs de trompe. Le silence se fit dès que parut M. Mascaro, qui, son chapeau à la main, saluait poliment à la ronde. « Eh, c'est le papa Mascaro !» s'écria un jeune homme à beau favori, portant culotte courte et bas blanc bien tiré. « Arrivez donc, je vous attendais si bien que voici un verre propre pour vous. » M. Mascaro, sans plus se faire prier, alla prendre place à la table, trinqua, but et fit claquer sa langue en signe de satisfaction. « Comme cela, » reprit le jeune homme, qui n'était autre que Florestan, « le père Canon vous a dit que j'étais à la salle de musique. » « Hein, on est bien ici, admirablement. Vous nous voyez en train de prendre notre petite leçon. La police, vous savez, ne veut pas qu'on joue de la trompe à Paris. Alors savez-vous ce qu'a fait le père Canon ? Il nous a installés dans cette cave. On peut y souffler tant qu'on veut, personne au dehors n'entend rien. L'air vient par les deux tuyaux que vous voyez. » Les deux élèves ayant repris leur leçon, Florestan était obligé de se faire un porte-voix de ses deux mains et de crier de toutes ses forces. « Ce vieux-là, poursuivait-il, est un ancien piqueur du duc de Chandos. Ah, quel professeur! Il n'a pas son pareil pour la trompe. Tel que vous me voyez, je n'ai que 20 leçons et je vais déjà très bien. Il faut dire que j'ai, à ce qu'il paraît, une embouchure comme on n'en voit guère. Tenez, voulez-vous que je vous sonne un débuché, un bien-aller, un changement ?» Monsieur Mascaro eut peine à dissimuler un mouvement d'épouvante. « Merci, cria-t-il, un jour que j'aurai le temps. « Je serais ravi de vous entendre, mais aujourd'hui, je suis un peu pressé, je voudrais vous parler. À vos ordres. Mais j'y songe. Ici, vous ne serez peut-être pas très bien pour causer. Montons, nous demanderons un cabinet. » Si les cabinets de société du père Canon ne sont pas précisément somptueux, ils ont l'inestimable mérite d'être discrets. Bien que séparés par de minces cloisons de verre raillé, rarement ils laissent évaporer les confidences qui s'y échangent. Confidences dont les maîtres sont l'éternel sujet. Ah, ils en compteraient de belles, ces cabinets, s'ils pouvaient parler. Ainsi disait Florestan, en prenant place en face de M. Mascaro à une petite table que le père Canon venait de charger d'une bouteille et de deux verres. Je le crois, approuva le digne placeur, mais ce n'est point de cancan qu'il s'agit. Si je t'ai fait demander un rendez-vous par Beaumard, c'est que tu es en position de me rendre un petit service. À vos ordres. En ce cas, nous y reviendrons. Commençons par parler de toi. Comment te trouves-tu chez ton comte de Mussidan ? une outrageante familiarité est un des traits distinctifs de B. Mascaro. Il ne saurait s'empêcher de tutoyer ses clients. Il ignore sans doute qu'au mépris d'un homme pour ses semblables, on peut presque toujours juger de quel mépris lui-même est digne. Cependant, ce tutoiement n'offusquait nullement Florestan. « Je suis très mal, répondit-il, chez ce noble de malheur, si mal que j'ai déjà demandé à Beaumarchef de me chercher une autre condition. C'est à n'y pas croire. Tous mes renseignements affirment que le service du comte est très doux, et ton prédécesseur. Merci !» interrompit le domestique avec une grimace significative. « Je voudrais vous y voir. D'abord, il est rat. » D'un mouvement éloquent, l'honorable placeur blâma ce vilain défaut. « Ensuite, continua Florestan, il est plus soupçonneux qu'un chat. Jamais rien à la traîne, pas une lettre, pas un cigare, pas un louis. La moitié de sa vie se passe à ouvrir et à fermer ses serrures, et il dort avec ses clés sous son oreiller. J'avoue qu'une telle méfiance est singulièrement blessante, n'est-ce pas? Ajoutez à cela qu'il est d'une violence terrible. Pour un rien, les yeux lui sortent de la tête. On dirait toujours qu'il va vous tuer, ou vous battre, pour le moins. Moi d'abord, il me fait peur. » Ce portrait, après l'avertissement du docteur, devait donner à réfléchir à B. Mascaro. « Le comte est-il donc toujours ainsi ? » demanda-t-il. « Les jours ordinaires, oui. Il est pire quand il a beaucoup joué ou beaucoup bu. Et Dieu sait s'il s'en fait faute. Il ne rentre jamais avant 4 heures du matin, quand il rentre, toutefois. Diable, cette conduite ne doit guère être du goût de la comtesse. » Florestan éclata de rire, jugeant l'observation naïve. « Madame, elle se soucie bien de monsieur en vérité. Souvent, ils sont des semaines sans se voir. Cette femme-là, pourvu qu'elle dépense, elle est contente. Aussi, il faut voir les créanciers chez nous. Cependant, monsieur et madame de Mussidan sont très riches. Énormément riches, papa Mascaro, immensément. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des moments où il n'y a pas 100 sous à l'hôtel. Alors, madame est comme une tigresse. Elle envoie emprunter à toutes ses amies n'importe quoi, 100 francs, 20 francs, 10 francs, et on les lui refuse. C'est humiliant. À qui le dites-vous? Cependant, quand il faut absolument une grosse somme, c'est au duc de Chandos que madame s'adresse. Oh, celui-là, il ne dit jamais non. Et elle ne lui en écrit pas long. Allez. Monsieur Mascaro daigna sourire. On dirait que tu sais ce que la comtesse écrit. Dame, vous comprenez, on aime à savoir ce qu'on porte. Elle dit simplement « Mon ami, j'ai besoin de temps. » Et il paye, sans rechigner. Il faut, voyez-vous, qu'il y ait eu quelque chose entre eux. D'après cela, je le croirais. Parbleu ! Aussi qu'arrive-t-il, quand monsieur et madame se trouvent ensemble, c'est pour se disputer. Et quelle dispute ! Dans les ménages d'ouvriers, quand le mari un peu bu, il cogne et la femme crie. Mais ce n'est rien. On se couche là-dessus, on s'embrasse sur les bleus et tout est dit. Tandis que, papa Mascaro, les ai entendus se dire froidement de ces choses qu'on ne peut pas pardonner. À l'air distrait dont le brave placeur écoutait ces détails, on eût pu croire qu'il les connaissait. Comme cela, fit-il, je ne vois dans la maison que mademoiselle Sabine, dont le service ne soit pas désagréable. Oh, elle, il n'y a rien à lui reprocher, elle est bonne, pas regardante, polie. De telle sorte que son prétendu, M. de Breuil-Faverley, sera un très heureux mari. Heureux, c'est ce nom. Le mariage n'est pas fait. « D'ailleurs, Florestan s'interrompit comme s'il eût été pris d'un scrupule soudain. Il promena son regard autour du cabinet, pour bien s'assurer que nul ne pouvait l'entendre, et c'est à voix basse, de l'air le plus mystérieux, qu'il continua. « D'ailleurs, mademoiselle Sabine, je peux bien vous confier cela à vous, a toujours été abandonnée à elle-même. Elle est libre autant que le saint garçon. Enfin, vous m'entendez. » Mais Mascaro était subitement devenu fort attentif. « Bon. » dit-il. Mademoiselle Sabine aurait un amour. Tout juste. Impossible, mon garçon. Et même, tiens, laisse-moi te le dire, tu as tort de répéter des suppositions malveillantes. Cette simple observation parut indigner le discret domestique. Des suppositions? Jamais. On sait ce qu'on sait. Si je parle de l'amoureux, c'est que je l'ai vu, de mes yeux, non pas une, mais 2 fois. À la façon dont le bon placeur tracassa ses lunettes, Beaumarchais fut reconnu qu'il était intéressé au plus haut point. « Vraiment ? » dit-il. « Conte-moi cela. » « Eh bien, la première fois, c'était à l'église, un matin, que mademoiselle était allée seule faire, soi-disant, ses dévotions. Tout à coup, le temps se mettait à la pluie, et Modeste, la femme de chambre, me prit d'aller porter un parapluie. Bon, je pars, j'arrive. En entrant, Qu'est-ce que je vois ? Mademoiselle debout près du bénitier, causant avec un jeune homme. Naturellement, je ne me montre pas, j'observe. C'est là ce que tu appelles être sûr ? Positivement, et vous ne douteriez pas. Si vous aviez vu de quels yeux il se regardait. Comment était ce jeune homme ? Très bien. De ma taille à peu près, parfaitement mis. Ayant l'air pas commode et même un peu extraordinaire. Passe à la seconde fois. Oh, c'est toute une histoire. Cette fois, on me charge d'accompagner mademoiselle chez une de ses amies qui demeure rue Marbeuf. Très bien. Mais voilà qu'au coin de l'avenue, mademoiselle me fait signe d'approcher. J'approche. Tenez, Florestan, me dit-elle. J'oubliais la lettre que voici. Courez l'acheter à la poste. Je vous attends ici. Et tu as lu cette lettre ? Moi, jamais. Je me dis, mon bonhomme, on veut t'éloigner. C'est qu'il y a quelque chose. Il faut rester. En effet, au lieu de courir à la poste, je me cache derrière un arbre et j'attends. J'avais à peine disparu que je vois avancer. Qui ? Mon particulier de l'église. Si changé, par exemple, que j'ai eu de la peine à le reconnaître. Il était vêtu comme un ouvrier, avec un pantalon de toile et une grande blouse pleine de plâtre. Ils ont bien causé 10 minutes. Mademoiselle lui a remis quelque chose qui m'a paru être une photographie. Et voilà. La bouteille de Mâcon était vide. Florestan allait frapper pour en demander une autre, mais Mascaro l'arrêta. « Non, non !» prononça-t-il. « L'heure s'avance. Et il faut que je te dise quel service j'attends de toi. Le comte de Mussidan est chez lui en ce moment ? N'en parlez pas. Voici 2 jours qu'à la suite d'une chute de rien dans l'escalier, il ne sort pas. Eh bien, mon garçon, j'ai absolument besoin de parler à ton patron. Si je lui faisais passer ma carte, il ne me recevrait pas. J'ai compté sur toi pour m'introduire près de lui. » Florestan resta bien une bonne minute sans répondre. « C'est raide, » fit-il enfin, « ce que vous me demandez là. Il n'aime pas les visites improvisées, le patron, et il est bien capable de me fourrer à la porte. Mais bah, puisque je veux le quitter, je me risque. » Déjà, Mascaro était debout. « Nous ne pouvons arriver ensemble, » dit-il. « Phil, je vais régler ici, et dans 5 minutes, je me présenterai. Surtout, n'aie pas l'air de me connaître. Soyez tranquille, et, vous savez, cherchez-moi une bonne place. » Ainsi qu'il était convenu, l'honnête placeur paya, puis passa au café prévenir le docteur Hortebise. Et quelques instants plus tard, Florestan, de sa plus belle voix, annonçait à son maître « Monsieur Mascaro !»